éclose un beau matin au jardin triste de mon cœur. Elle avait les yeux du destin. Ressemblait-elle à mon bonheur? Ouais, ressemblait-elle à mon âme? Je l'ai cueillie, elle était femme, femme, avec un œuf rose, œuf comme fleur. Elle a changé mon univers, ma ville en fut tout enchantée. La poésie chantait dans l'air. J'avais une maison de poupée, mais dans mon cœur brûlait ma flamme. Tout était beau, tout était femme, femme, avec un F magique, F comme fée. Cha-la-la, cha-la-la, cha-la-la, cha-la-la, cha-la-la. Elle m'enchevait 100 fois par jour au doux poteau de Satan. Mais c'en était resté d'amour. J'étais morti de ses caresses. J'étais heureux, étais-je femme? Mais je l'aimais, elle était femme. Un jour l'oiseau timide et frais vint te parler de liberté. Elle lui arracha les ailes. L'oiseau mourut avec l'été. Et ce jour-là, ce fut le drame. Telle était femme, mes femmes. Un œuf tout gris, fatalité. Cha-la-la, cha-la-la, cha-la-la, cha-la-la. À l'heure de la vérité, il y avait une femme et un enfant. Cet enfant que j'étais resté contre la vie, contre le temps. Je me suis blotti dans mon âme et j'ai compris qu'elle était femme, mes femmes, avec un effet foutre le corps. Chant.